Chapitre 12e. Éclaircissement. Dutilleul revint au bureau vers 14 heures après avoir déjeuné d'un unique sandwich et d'un quart vitel. Il sourit intérieurement. Castex avait raison. Il était à l'affût et son appétit était en berne. Une enveloppe interne l'attendait sur son bureau. Elle devait contenir les notes de Grabar. Il verrait cela plus tard. Auparavant, il souhaitait faire une vérification. Il devait fermer la porte. Il demanda à Patricia de contacter la gendarmerie de Gravinchy. Le numéro fut trouvé et Dutilleul fut rapidement mis en contact avec un certain lieutenant Verdier qui lui promit de se renseigner. Cependant, quand Dutilleul évoqua Puivenage le Vieux, celui-ci ne parut pas surpris. « Il ne se passe pas 2 mois sans qu'il n'y ait d'accident. C'est le coin le plus dangereux que je connaisse. On a eu beau sécuriser le secteur en posant des ralentisseurs, rien n'y fait. » Les voitures sont réduites en miettes, compressées par le choc. En général, ce n'est pas beau à voir. Dutilleul eut d'autres éclaircissements dans l'après-midi. Il ne put que se louer de la célérité de la gendarmerie de Gravinchy à répondre à ses questions, même si, cette fois, il fut accueilli plus fraîchement par le lieutenant-colonel Montcoutier. Celui-ci s'était vu confier l'enquête à l'époque et il s'en souvenait encore assez bien. C'était tout ce qu'il y avait de plus classique. Le type ne pouvait rien faire. C'est vrai que des freins qui lâchent brusquement, cela peut paraître suspect de prime abord. Mais ici, hélas, ce n'était pas la première fois que l'on voyait cela. On avait eu exactement le même cas le mois précédent, sauf que là, en prime, on avait dû ramasser 2 gosses. Loin de moi l'idée de critiquer votre enquête. En fait, elle vient plutôt conforter ce que je pensais déjà. J'imagine que les freins ne portaient aucune trace d'usure suspecte. Son interlocuteur sembla se réchauffer un peu. « Aucune usure. Vous pensez bien que nous avons soigneusement vérifié. Les 2 épaves ont été entièrement décortiquées, mais personne n'a vraiment été capable d'expliquer ce qui s'était passé. Toutefois, si nous privilégions cette piste, c'est que nous nous sommes livrés à des expériences. À l'aide de cascadeurs professionnels, nous sommes parvenus à reconstituer les circonstances des 2 accidents. Comment avez-vous procédé ? En photographiant soigneusement le lieu du sinistre et en nous appuyant sur les marques laissées au sol. Ce qui nous a frappé d'entrée, c'est que dans les 2 affaires, les traces étaient quasiment identiques, alors même que les véhicules différaient en tout. Dans le premier cas, il s'agissait d'une Peugeot 205 tout à fait classique, et dans le second, d'une Renault Alpine. Grâce au cascadeur, nous sommes parvenus à établir avec une certitude presque absolue que les 2 véhicules concernés ne roulaient guère à plus de 80 km/h. Quand les chocs se sont produits. Que vous ont dit les cascadeurs ? Que sans qu'ils en comprennent bien la cause, les freins se bloquaient et qu'il était impossible de redresser. Un point particulier a attiré notre attention. Lors des tests, les véhicules roulaient à 65 km/h et, croyez-moi sur parole, les dégâts étaient déjà considérables. Aurait-on pu envisager une défaillance au niveau des constructeurs hexagonaux ? Non. Des véhicules de toutes marques se sont abîmés exactement au même endroit. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir accordé un peu de votre temps. Excusez mon accueil un peu froid, mais parfois les messieurs de Paris... Je comprends, ne vous inquiétez pas. Toutefois, si vous pouviez me faire parvenir quelques clichés, je vous en serais très reconnaissant. Aucun problème, je vous mets cela au courrier. Merci beaucoup et au plaisir. Dutilleul raccrocha avec douceur. Ce Montcoutier lui avait dit ce qu'il voulait savoir. Un peu rude, sans doute, mais contrairement à ce que lui avait affirmé Josette Roset, l'enquête avait été vraiment menée dans les règles de l'art. Rien n'avait été négligé. Malgré les vacances, ou peut-être grâce à celles-ci, on avait soigneusement comparé les 2 accidents. Dutilleul n'avait aucun mal à imaginer combien cela avait dû être pénible. Il pouvait à présent attaquer le dossier Marion Chardy, même s'il n'en avait pas fini avec Marie.